prêt pour un peu de nouveauté? C'est la chance au coureur! À la chance au coureur, l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous en ce vendredi 12, samedi 13 ou mardi 16 octobre 2007 pour les Mathieu Plante. Bonjour, 3 heures de ces nouveautés aujourd'hui. Des choses fraîches, des choses chaudes, des choses avec des légumes, des petits oignons, dépendant de ce que vous voulez mettre dessus. On a reçu du côté francophone cette semaine Téléphérique avec le fil conducteur. On a reçu Saint-Tella avec le plus beau tour de ma vie. Saint-Tella, j'imagine. On a aussi reçu Charlemagne et ses décrocheurs. Mais on commence par 354 Barry, c'est le nom du groupe 354 Barry et de leur album apparemment éponyme. Voici La Grosse Police à la chance au coureur à votre Radio Campus à Trois-Rivières, le 89.1 FM. J'ai acheté deux individus de la sprint, je répète de la sprint. Il te surveille, pas de sommeil. Et il veut pas, peut pas que tu perdes. Passer le dernier de sa douzaine. Il va te mettre en terre, mettre le salaire. La grosse police, la grosse police. La main 36, la grosse police. Tu t'es tout de ma sauve, j'ai pas peur de me lever en temps.

54 Barry avec leur album éponyme et la pièce Sus précédée de Le Rebelle du ghetto de Brossard et La Grosse Police. 354 Barry, il faut le prononcer comme ça selon l'adresse de leur MySpace au myspace.com/ 354 Barry. C'est à vous de décider comment vous l'appelez et réussir à vous rendre si vous savez pas. Donc 354 Barry, voici leur biographie qu'ils nous ont envoyé dans une belle reliure en plastique mais pour seulement deux feuilles avec un demi-paragraphe genre. Donc, ils ont tout essayé. Et il est écrit en majuscule. Ils ont tout essayé. La violence, la douceur, la corruption, la torture et l'écoute forcée d'occupation double. Ils les ont enfermés et ont jeté la clé. Mais hélas, la porte du local est maintenant défoncée. Et rien ne peut empêcher l'apparition de l'album éponyme de 354 Barry et leur venue dans un bar près de chez vous. Ce groupe légendaire des bas-fonds montréalais est né d'une façon peu commune. En effet, 354 Barry est le fruit d'une expérience archéologique et sociologique. 5 hommes des cavernes ont été décongelés, rasés, enfermés dans un local avec des guitares, un drum et un micro pour le plus féroce et une télévision pour leur éducation. Après un an dans le local, voilà ce que ça donne du gros rock sale garage punk en français et des paroles méchantes et bêtes sur la maudite société. Satan, le poussage de potes, les rebelles de Brossard, les chars et toutes sortes d'autres belles choses. On leur a fait faire un disque plein d'obscénité, mais aussi plein d'amour qui devrait sortir très bientôt. Évidemment, on l'a déjà entendu. Et la vidéo de la très belle chanson des monstres dans le garage est déjà disponible sur YouTube et sur MySpace au myspace.com/354Barry et les shows devraient arriver par la suite. Et le texte continue en disant « Je vous l'étudie, 354 Barry du rock sale en français ». Voilà. Dernière fois, je répète leur adresse de site web, c'est le myspace.com/, et là, c'est en lettres, 354 Barry. Évidemment, Barry, au pluriel. Voilà, pour eux, ça va faire. L'album est éponyme. C'est un style, hein. C'est de la musique. On passe à Téléphérique, prochain album qui s'appelle Le Fil Conducteur. Et voici à l'instant même la pièce Écho. On en parle au retour. Vous écoutez La Chance au Coureur, l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous. À C'est Fou 89.1 FM dans vos oreilles. 89.1. La dissidence d'aujourd'hui, la radio de demain. La pièce Une seconde de plus ou de moins, la formation Téléphérique, ça vient de leur album Le Fil Conducteur, ici à La Chance au Coureur, l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous. Parlons un petit peu de Téléphérique, nouveautés. Ici, reçu assez fou, leur MySpace, je vous le dis d'avance, c'est le myspace.com/téléphérique. Ça finit avec un C. Je vais vous lire le document de presse que la compagnie nous a envoyé, donc je vous rappelle que c'est pas mon opinion, mais bien celle de l'étiquette. Et je cite... Nous pouvons affirmer haut et fort que le bassiste Éric Vigneault a trouvé son fil conducteur avec cet album. La bass et le rock en sont la solide de fondation. C'est le mercredi 24 octobre au Divan Orange sur Saint-Laurent à Montréal à 17h que sera lancé le premier album de sa nouvelle formation Téléphérique. Le bassiste-chanteur a écrit les paroles et musique du disque en plus d'avoir participé à sa réalisation et à ses arrangements. Ancien bassiste et cofondateur du défunt groupe Volume 10, Éric a participé à 3 albums, Volume 10 en 2004, Silence en 2002, V10 Mobile en 2000. Sur scène, il a participé à une première partie d'Indochine au Québec, à une prestation extérieure au Francophonie de Montréal, en plus d'une première partie d'Éric Lapointe. Il me semble que tout le monde fait une première partie d'Éric Lapointe dans les documents de presse, tout le temps ça. Au Festiram d'Alma, voilà. Le groupe a aussi été invité à différentes émissions de télé comme Les Choix de Sophie, Bandapart.tv, ainsi que plusieurs autres, et s'est retrouvé semi-finaliste au Francouverte à 2 reprises. Téléphérique se veut le véhicule créé par Éric Vigneault pour mettre en vedette la bass, son instrument de prédilection. Avis aux amateurs de rock et de groove bien senti, ce disque risque de créer une dépendance. Une phrase que j'ai vue au moins 100 fois dans des documents de presse. Un petit peu d'originalité, s'il vous plaît. Voilà, on a entendu 3 pièces de l'album. La dernière de l'album qui s'appelle Une seconde de plus ou de moins, précédée de Lick Go System et de Echo avec 2 C et 1 point d'exclamation. J'ai bien aimé Téléphérique. L'album, c'est Le Fil Conducteur. Pour plus d'informations, allez voir le www.myspace.com/téléphérique avec un CTELEPHERIC. Voilà. On passe à un autre album de francophone. Il nous en reste 2. Charlemagne tantôt, mais avant, une formation qui m'a l'air très, très belge via leur adresse web. En tout cas, Stella.be. Stella avec 2 T et 3 L. Si ça vous intéresse d'aller voir ça, leur album, c'est Le Plus Beau Tour de ma vie. Et voici Belle comme tout à la chance. Au coureur. Qui pousse sur ta tête, avec votre persil qui vit dans ton nombril, avec votre lunette, même si quand t'as pas de lunettes, avec vos dents qui est toujours aussi blanc. Tu es belle comme tout, belle comme tout. Tu es belle d'un bout d'un bout, belle comme tout. Tu es belle comme tout, belle comme tout. Vous êtes magnifique de partout, belle comme tout. Avec votre derrière dans ton pantalon et votre rouge à lèvres qu'on dirait un bonbon, avec votre oreille qui entend tout, avec vos yeux les verts, les marrons, les bleus. Tu es belle comme tout, belle comme tout. Tu es belle d'un bout d'un bout, belle comme tout. Tu es belle comme tout, belle comme tout. Vous êtes magnifique de partout. Sourire qui vient quand tu es content, et votre joli pied qui habite dans tes souliers, avec votre jambe et tes côtes flottantes, avec vos seins qui sont sur ta poitrine. Tu es belle comme tout, belle comme tout. Tu es belle d'un bout en bout, belle comme tout. Tu es belle comme tout, belle comme tout. Vous êtes magnifique de partout, belle comme tout. Tu es belle comme tout. Belle comme tout. Vous êtes magnifique de partout. Belle comme tout. Retour à la chance au coureur, plus de la et de Charlemagne et ses décrocheurs à Cifou 89.1 FM. Vous écoutez la chance au coureur à Cifou 89.1 FM. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais toutes les bagnoles sont sorties. Tout rien de beau, je statu quo. On dirait le salon de l'auto. J'ai acheté une automobile, c'est pas pour qu'elle reste immobile. Je peux même pas faire demi-tour. Y'en a tout partout, tout autour. Marre des bouchons, des autoroutes, des autos, des travaux, des camions. Marre des bouchons. Ouais, c'est comme des sardines dans des caisses à savon. Du côté droit, des Hollandais, avec bien sûr une caravane, pour se préparer une tasse de café qu'ils ont apporté d'Amsterdam. Mais derrière eux, dans une mini, y'a une fille. Que les Américains. Belle avec l'album Le plus beau jour de magie et la pièce Les Américains précédée de Marre des bouchons et de Belle comme tout. Alors album qui est en fait un jeu de mots parce que si on met l'album dans une différente position là dans ses mains comme ça, c'est comme un genre d'illusion. Tu vois le gars changer sa tête pour une tête de lapin et le lapin qui est dans son chapeau parce que c'est un magicien se changer en lui-même. Donc c'est vraiment super joli et le titre de l'album change de Le plus beau jour de magie à Le plus beau tour de ma vie. Voilà. La formation Stella avec 2 T et 3 L. Vous pouvez les visiter au stella.be. Et si on veut bien même lire le document de presse, allons-y pour ça. Pourquoi pas? C'est l'étiquette qui nous a envoyé ça. Ça a l'air assez intéressant. Stella, le roi du calembour est de retour. Découvrez la métamorphose qui s'opère afin de souligner ses 30 ans de carrière. Avec son plus récent opus, Le plus beau jour de magie, le Belge nous présente 20 tours de musique qui comblent Louis. L'album sera disponible en magasin le mardi 2 octobre, c'est déjà fait, sous l'étiquette de disque L-Ab. Ou Lab, je sais pas. De plus, Stella apparaîtra sous les projecteurs dans le cadre des coups de cœur francophones 2007, ainsi que sur la scène du théâtre Petit Champlain dans la vieille capitale. Le duo Jean-Luc Fonck et Christian Martin ont bossé fort et Christian s'est surpassé en tant que producteur, mais également comme bassiste. Et oui, sur l'album comme sur scène, Stella a un nouveau bassiste, le meilleur du monde. Comme si ça ne suffisait pas et qu'il y avait déjà dans Stella le meilleur guitariste du monde, Philippe John Wayne Courthouse, voici venir l'autre meilleur guitariste du monde, Léo Gérassi, et le meilleur batteur du monde, Marcus Champollion-Wemmer. Wow. Rien d'étonnant dès lors que l'album Le plus beau jour de magie soit vraisemblablement le meilleur du monde. Et le texte le plus dur à lire. Retrouve tout ce beau monde sur scène. Cela ne pourra qu'être la meilleure tournée du monde, en mieux évidemment, puisque le meilleur public du monde sera de la partie. Avec plus de 32 années de carrière derrière lui, Stella a encore un bout à faire. Des centaines de chansons, de la télé, du cinéma, 4 recueils de nouvelles, une pièce de théâtre. Bref, rien n'arrête ce magicien des mots. Voilà le texte qu'ils nous ont envoyé. Ou même texte, certains pourraient dire. Mercredi le 7 novembre à 20h, ils vont être en spectacle au théâtre du Petit Champlain. Théâtre Petit Champlain, oui, à Québec. Ça, c'est le 7 novembre à 20h. Et le samedi 10 novembre à 20h30, au cabaret du musée Juste pour rire à Montréal. Encore une fois, si vous voulez plus d'informations sur Stella, allez voir leur site web au stella.be ou encore passer par le site de la chance au coureur au www.unechance.com. Je crois que c'est un petit peu plus facile à retenir. Le www.unechance.com. Voilà pour Stella, l'album, c'est le plus beau tour de ma vie ou le plus beau jour de magie. Tout de suite, voici un autre artiste. On passe à quelqu'un de complètement différent, c'est Charlemagne et ses décrocheurs. Voici à l'instant même la première pièce de son simple qui nous a envoyé un démo de 3 pièces à la chance au coureur à C'est fou 89 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Découvert le métal, l'humanité est effarée, jusqu'à ce que l'homme se forge l'idée d'en faire une arme de point final. Depuis ce temps, le ça n'arrête plus, la course qui fait que des perdants, l'âge de pierre est bien. On forme des jeunes aux nerfs d'acier, dès lors des fous les pousse au front, pour leur mettre un peu de plomb dans la tête. C'est toute la terre qu'il y en a dans l'aile. Avec le pouvoir de leur loi, qu'on peut transformer en argent, on fera des alliages militaires et on se remboursera grassement. On part en guerre, with us or you are with the terrorists. L'ADN, l'ADN, l'ADN of the world. Le cimetière monte d'être dans le dash. Y'a-tu de la vie sur Terre? Apocalypse, le capitaine Cousteau plongeant dans Budweiser. Je ne change pas le monde comme le fait la honte qui danse. Mais je suis bien comme nous, c'est liste d'attente. Me croyez mort, je fumais du silence. Charcoal! J'avais goût de me mettre, c'était comme une rage. Fait que j'étais allé mettre mon beau char dans le garage. Des trous dans mon CV. Des trous balles, des trous noirs, des trous pour aller boire à soir. J'étais quêteux, j'étais pauvre. J'étais mère nécessiteuse. J'étais assistée sociale, client. J'étais bénéficiaire et bientôt, je le sens, je serai président de la misère. Charcoal! Je vends des sextants, je fais trembler le vent, je vends des frigidaires de course. Je vends la dynamite aux petits enfants, je veux pas savant, je suis coté en bourse. Je suis l'homme qu'il vous faut, j'ai un bumper de famille. J'ai grené mes électros, puis j'ai un bunker Tchernobyl. Je produis de la neige en épis, des machines de réfère, des poupons, des pompons, des poumons jusqu'au plafond. Charcoal! Le bonhomme minimum, l'accident d'Occident, le act of God. Je suis Al Capote, pourtant dans l'inhibition. Oui, je vous le dis, James Bond encore. Des mots, démocratie. Je suis spécial, je suis un peu spécial. Je suis réaliste électoral. Oh non, monsieur, je suis pas en colère. C'est juste que hors de moi, il a fait soleil. Charcoal! C'est sûr, c'est même un peu suri. Hiérarchie, sa tête de tout le monde. Moi, tout m'en a donné. Ceux qui en veulent, des ordres, des étiquettes et puis des claques sa gueule. Je vous propose mes nerfs à la demande et à l'offre de la santé de vos actionnaires. Que je bénis à la Kalashnikov. Check mon cocktail mollo. Mon canon est propre, le magasin est plein. J'allais dans ça, fait que baissez vos culasses. Charcoal! Prenez mes empreintes au pied, pis moi, je vous étampe mon poing dans le front. La compagnie du New Future, Charcoal, demain la Gaïssa. La vie est belle, la vie est belle, la rode du sol, la rode du coup. Veuillez agréer, monsieur, l'expression de mes sentiments les plus révoltés. Boudon et gros, alors écran, que Dieu vous garde, moi j'ai pas le temps. Charcoal! Le Seigneur, 100 piastres par semaine. Aimez-vous les uns ces autres, ma patrie ou une autre. Wow. Charlemagne et ses décrocheurs avec 3 pièces. En fait, c'est un simple qui nous a envoyé un démo de 3 pièces. On a entendu dans l'ordre, il faut le faire. C'est un jeu de mots F-E-R, il faut le faire. Ensuite, Charcoal. Et puis, désolé Molière. Oh, Charcoal. Ah, c'est pour ça que je me semblais que je l'avais déjà entendu. C'est Paroles et musique de Richard Desjardins. Donc, c'est une reprise. Hein? J'étais pas fou, donc. Hein? Ça m'arrive des fois. Le premier extrait radio de Charlemagne et ses décrocheurs, il faut le faire. Vous adorerez à coup sûr. Charlemagne vous présente un son rock à la hauteur du rock, dit son communiqué de presse envoyé par l'étiquette. Et je cite. Inspirée par la polémique de la guerre menée par les Américains en Irak, la chanson « Il faut le faire » se veut une critique sur l'ensemble des régimes de répression et des discours de leurs dirigeants pour justifier et définir leurs actions. Traité avec humour, malgré tout, l'artiste joue avec les sens des mots à travers la thématique du faire et de la guerre afin de faire passer son message pacifiste et graissant à la fois. La chanson se devait d'être un rock à cause du propos et de l'énergie qui devait s'en dégager. On désirait un refrain percutant et accrocheur sans tomber dans le cliché militaire. L'idée d'y incorporer des échantillonnages de nouvelles et la célèbre phrase de George W. Bush est survenue dès le début de la construction harmonique. Comme tout bon rock, c'est la guitare qui a dicté le ton et le reste s'y est greffé avec un naturel désarmant. Auteur-compositeur Charles Auger, la pièce « Il faut le faire » et ça vient de l'artiste Charlemagne et ses décrocheurs. Si vous voulez plus d'informations, allez voir le charlemagneetsesdécrocheurs.com ou encore sur MySpace, le myspace.com/charlemagneetsesdécrocheurs. Maintenant, on a terminé le francophone, c'est fait, mais on termine cette première heure avec un tout petit peu d'anglophone. Mouillons-nous les lèvres dans l'anglophone pour continuer ensuite. Voici Starving Hungry. Leur album, c'est Cold Burns. Et la pièce se nomme Ghost Witness. Restez là, les auditeurs du vendredi, sans m'entendre les nouvelles de Radio-Canada. Les autres, c'est une publicité. On revient dans quelques minutes. Vous écoutez La Chance au coureur, l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous. À C'est fou 89.1 FM. Found a rattlesnake. chance au coureur. Troisième pièce de Starving Hungry de Ramon Colburn, c'était Chicken Fly à la chance au coureur. Starving Hungry, on n'a pas des tonnes d'informations sur eux, mais c'est un groupe de Montréal, un groupe de rock. Hein? Ça rock. Les membres sont, en fait, ça dit Casual Fridays, General Lee Fatigué, Dainty Fingers McFarlane et Old Old Man. Ils vont être en spectacle le 9 novembre à 20h à Toronto au Lee's Palace et ensuite le 10 au Call the Office de London en Ontario. On passe à notre autre groupe de punk cette semaine. Voici tout de suite Mustard Plug et la pièce Who Benefits à la chance au coureur. Ah, c'est fou, 89.1. This morning. cours depuis 10 ans. Zip, plus vite, moins ça. C'est fou, 89 ans. Pas pareil. C'était deux pièces. Oui, vraiment deux pièces différentes de groupes de punk très différents qui s'appellent C'était du sarcasme. Monsieur le plug, l'album c'est In Black and White. On a entendu les trois premières pièces de l'album. Vous avez vu, ça a duré même pas 5 minutes. Who Benefits, Over the Edge et Hit Me, Hit Me. À la chance au courant, l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous à CFU89.fm. Je mets bien l'accent sur découvre les nouveautés musicales. C'est ça. C'est ça qu'on fait. On passe à Danny Janvier, bonjour. Bonjour Mathieu. Bonjour. Aujourd'hui, j'ai pas de contenant, j'ai pas de contenu, j'ai rien. Ah, t'as un beau contenant pareil. Ouais, t'es trop fin. T'es rempli de contenu dans ton cœur. En tout cas, je vous promets d'écouter au moins 3-4 albums pour la semaine prochaine. Parce que moi, j'aime pas ça parler d'albums que j'ai pas écouté. Ben non, contrairement à moi. Je voulais pas le dire. Niaise-moi pas, mais c'est ça qu'on fait, puis on aime ça de même. Ben c'est parfait, mais je vais peut-être critiquer, genre, sur le fly, là. J'aime ça. Parfait. Tiens, allons-y. Vas-y. Allons-y, pourquoi pas. Avec une formation, en fait, c'est Deborah Harry. Donc, une formation avec une fille qui s'appelle Deborah Harry. L'album, c'est Necessary Evil. Et en dessous, ça dit l'icône, hein, l'original icône du pop rock New Wave est de retour avec son premier album solo en 14 ans, mettant en vedette le premier single et vidéoclip Two Times Blue. Eh bien, le voici tout de suite, ce single, à la chance! I know. says and build into a scream. They're putting up a school for scandal. I can't listen anymore. Setting up a school for scandal. Bash my head against a wall. Plans are made, plots are thickened, objections raised, pulses quickened. Today's the day. How long you waited? Finally, you're gradually disgraced. What a waste for your mouth to be faced. Eat them all the 30 days. It's a school for scandal. Hard to handle, forget about the golden rule. Keep looking for a foot to land on. Step into the scandal school. They're putting up a school for scandal. I can't listen anymore. They're setting up a school for scandal. Bash my head against the wall. Plans are made, plots are thickened, projections raised. Pulses quickened, today's the day. How long you waited, finally, you're graduated. Disgrace, what a waste, lay your mouth, stuff your face. Give them all the bloody taste, it's a school for scandal. Deborah Harry avec le nouvel album Necessary Evil qui est sorti aux États-Unis le 9 octobre et qui est sorti aussi au Royaume-Uni le 17 septembre dernier. Vous écoutez La Chance au coureur, l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous. Petit rappel, tantôt on a écouté un petit peu de Mustard Plug dans le punk. J'ai oublié de mentionner les spectacles le 9 novembre à l'Anti-Hall de Québec et le 10 novembre, c'est à 18h les deux. En fait, c'est ce qui est écrit sur leur MySpace au Foufou d'Électrique de Montréal. Voilà. Deborah Harry, on parlait d'elle, c'est son premier album solo. Son premier album solo en 14 ans est sorti. Si vous voulez voir l'histoire, l'historique de Necessary Evil, allez voir le site deborahharry.com. Debbie, voilà, qui amène son spectacle solo aux États-Unis et au Canada. Si vous voulez voir les dates, c'est aussi sur le site. Et il y a la version vidéo widescreen de Two Times Blue qu'on a entendu juste avant, au départ de ce bloc. Deborah Harry, l'album Necessary Evil, voilà, pour elle. Maintenant, on continue l'alternatif anglophone avec Jens Lekman. L'album, c'est Night Falls Over Cortedala. Et voici tout de suite And I Remember Every Kiss à La Chance au coureur, l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous à C'est Fou 89.1 FM dans vos oreilles. There will be no holding hands tonight. 'Cause what is now wasn't there before and should not be. I know I've broken some hearts, I understand. Some firecrackers blow up in your hand. Though I've fucked up, I've always tried to be true. But I would never kiss anyone back on that night, it was lovely. By the lake in your daddy's 240. And I would like to keep that memory of that kiss as it is. Things get more complicated when you're older. Before you know it, you are somebody's soldier. You get a gun and you name it after a girlfriend. But I swear I'll never kiss anyone who doesn't burn me like the sun. But I will cherish every kiss. Écoutez la chanson au coureur, assez fou, 89.1 FM, votre radio campus à Trois-Rivières. Voici une deuxième pièce de Jens Lekman. Elle s'appelle Sipping on the Sweet Nectar. Ah, allez, goûtez à ce joyeux nectar musical qui est la chanson au coureur. C'était beau, ça, hein? Myself on my deathbed saying, I wish I would have loved less. But that's when the feeling hits. So just lick your lips. These are the good times that you'll miss when you are sipping on the sweet nectar of your memories. Just take a sip and let it wet your lips. Of your memories. Last night I ran into my old life, still waiting for someone at the station, someone who never made it into my new life. So I called up Lisa, 'cause she's my only friend. Lisa, I don't know anymore. Every heartbeat needs a reason. She said, that's when the feeling hits. So just lick your lips. Can you smell the springtime in the breeze? You gotta stop sipping on the sweet nectar of your memories. I take a sip. I let it wet my lips. I think back on that kiss. I gotta stop sipping on the sweet. La musique suédoise de James Martin Lechman. Voilà, le suédois. James Martin Lechman. C'était ça qui jouait, là? Oui. Hey, c'était très 80, hein, comme ça. On dirait qu'on écoutait du ABBA. Ouais, dans le mauvais sens, hein, c'est ça. Ben non. Il n'y a pas de bon sens à ABBA. Ben non, mais guess, en plus, tu me dis c'est quoi, suédois? Oui. Mais le son était vraiment ABBA. Donc, c'est un auteur-compositeur, interprète alternatif pop indépendant suédois baroque pop. C'est dans un autre ordre en anglais, mais ça veut à peu près dire ça. Sa musique peut être décrite, selon Wikipédia, comme étant de la pop basée guitar-based pop, d'accord, toute guitaresque, qui utilise beaucoup des échantillonnages et des cordes. Les paroles sont souvent drôles, romantiques et mélancoliques. On le compare souvent à Stephen Merritt de Magnetic Fields, Jonathan Richman et Morrissey. Voilà. Donc, James Martin Lechman. James Lechman. Si vous voulez plus d'informations, allez voir son site web au jenslechman.com. Le lien est sur lunechance.com. C'est beaucoup plus facile pour vous. Son album est aussi disponible chez IKEA. Oui, à monter en pièces. Et sur la couverture, on le voit en train de se faire couper les cheveux. Merveilleux. Merveilleux. Les deux pièces qu'on a entendues, c'était Sipping on the Sweet Nectar, précédé de And I Remember Every Kiss. Ça vient de l'album Night Falls Over Cortedala. Voilà. Maintenant, on passe à un autre album d'alternatif anglophone qui est rempli de poissons et d'eau. Hein? C'est joli, hein? C'est ça, rouge. Moi, poissons, comme ça. Oui. J'aime aussi les poissons. Oui. J'aime ton. Oui. Oui. Je suis poisson moi-même. Ah oui? Oui. Petite maison dans la couverture comme ça. C'est Nancy Elizabeth. L'album s'appelle Battle and Victory. Et tout de suite, voici I'm Like the Paper. D'accord. Je sais pas si ça veut dire je suis comme le papier ou si ça veut dire je suis comme le journal. On va bien le découvrir en écoutant la pièce de Nancy Elizabeth à la chance. Au coureur. Thank you. Missy Elizabeth, son album, c'est Battle and Victory à la chanson couvert. La pièce, c'est I'm Like the Paper. J'ai pas réussi à voir si c'était le journal ou le papier. Tu vas même pas écouter parce que t'aimes pas ça. Non, je sais, j'aime pas ça. Au retour, on écoute Moriarty Drifting Letter Office à la chance. Oh, poisson. Oh, ça t'impressionne que je suis pas poisson. Hein? Oui. Vous écoutez La Chance au coureur, voici une pièce de Moriarty, Drifting Letter Office, c'est le nom de l'album. La pièce s'appelle Jimmy et ça commence maintenant à La Chance. Au coureur. Ouais. Tu regardes encore les poissons de Nancy Elizabeth, hein? Je te regarde le poisson. Oh. What is the reason for all the Dare I say it's learning, Jimmy? Won't you please come home? The grass is green and the buffaloes roam. Come see Jimmy, your Uncle Jim, and your Auntie Jim, and your Cousin Jim. Come home, Jimmy, 'cause you need a bath, and your Grandpa Jimmy is still gonna die. There's Buffalo Jim and Buffalo Jim. There's Jim Buffalo, not a didn't you know? Jim, Jimmy, Jimmy, it's your last cigarette. And there's Buffalo Piss, and it's all kind of wet. Jumbo Jimmy, you'd better hold your nose. I Rosalie to roam with the Buffalo. Yeah. Moriarty avec Jimmy de leur album Drifting Letter Office. On continue avec une deuxième pièce. Voici Loveliness à la Chance au coureur, l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous à C'est Fou 89.1 FM. Running naked through poppy fields with my anchovy flapping, thrilling the wind. Then I see Father O'Reilly and I confess, yes, I have sinned. And Father O'Reilly, he spoke to me slyly and winked at the nun sitting there on his knee. A church, it included a herd of green puppet, demanded a pizza with chocolate and cheese. The nun, in a frenzy, she swatted the puppet and prayed to the god of my proud anchovy. The taste of the pizza, it seemed to increase, but Father O'Reilly broke up from the weight. The taste of the pizza, it seemed to increase, but Father O'Reilly broke up with some weight. The taste of the pizza, it seemed to increase, but Father O'Reilly broke up with some weight. En fait, c'est plus que je suis pas sûr que j'aime pas. Je suis pas sûr si j'aime ça ou si j'aime pas ça. Peut-être t'en as mis deux, là? Moi, j'en ai mis deux. Non, ouais. C'est correct, mais tu sais, il faut plaire aux gens qui aiment ça aussi. C'est pas parce que moi, j'aime pas ça nécessairement que je dois absolument le couper, à moins de recevoir des commentaires. Ouais. En tout cas, donc, c'était la formation Moriarty. J'ai appris, entre-temps, sur leur MySpace, que l'album ne s'appelle pas Drifting Letter Office, même si c'est clairement écrit en haut de la pochette. L'album s'appelle G-Wiz, But This Is a Lonesome Town, qui est écrit en genre de petites lettres. C'est rempli de... comme une enveloppe, c'est rempli de choses. Hein? Ouais, mais ça, c'est le fun, par exemple. Quand t'écoutes la musique, t'as de quoi regarder, quelque chose qui est trop simple. C'est vrai. Je trouve que les pochettes maintenant sont justement rendues trop plates. Ça prend une seconde, tu regardes la pochette, tu sais qu'est-ce que c'est fini. Ok, moi, ouais, je suis d'accord. J'aime ça quand c'est un genre de collage, il y a plein d'affaires à regarder. Ou quand, ouais, tu peux faire ta propre pochette, comme avec Beck. Ça, c'est. Il y avait Okuma, il paraît, qui a fait ça avant Beck. Ok. Non, mais j'ai. Tu l'as pas acheté, par exemple? Non, justement, non, mais tu sais comment j'aime Okoumé. Ben oui, c'est mais, ça. Donc, Beck s'est inspiré de Okoumé. C'est okay. Quand même assez hot. Beckoumé. Beckoumé. C'est ça. Moriarty, on a entendu deux pièces de leur album. C'était Jimmy. Et puis Loveliness avec un E à la fin. Voilà leur album, encore une fois. C'est G-Wiz, But This Is a Lonesome Town. Information, ils viennent de. Il y a des membres qui viennent de LA, Boston, Paris. Indiana. C'est un groupe de indie folk rock. Et ils vont être en spectacle un petit peu partout en France et aux États-Unis, au Canada. Ils ont une date à Montréal, au cabaret Lion d'Or, le 5 novembre à 20h. Donc, ça vous tente d'aller les voir là-bas. Il y a d'autres dates dans le coin, je crois, aussi sur leur MySpace. C'est au myspace.com/ Moriarty Lens, L-A-N-D-S. Leur site web, c'est MoriartyLens, pas de S.com. Confus, allez voir l'unechance.com. C'est le site de l'émission. Retenez seulement celui-là, le www.unechance.com. Surtout s'ils sont confus, ils ne devraient pas écouter la chance au couvert. Parce que c'est une grosse confusion de 3 heures. C'est ça que ça veut dire. Oui, non, c'est très bon. C'est très bon. Oui. Voici un autre album de rock cette fois-ci. C'est The Setting Sun et leur pièce éponyme à la chance. Confondu. I'm not depuis 10 ans. J'aime ça passer du rock à la chanson courante. Ça fait vraiment un changement, c'est pas ça? Ouais, c'est bon, surtout après le truc très tranquille que t'aimais moins. Exact, ouais. Ça te réveille. J'ai vraiment aimé ça, c'est The Setting Sun, avec un album éponyme. On a entendu en premier la pièce The Setting Sun, suivie de Running Demons. Et maintenant, je regarde sur leur MySpace, même si je vois pas les membres, je sais pas si c'est un groupe ou une personne. En tout cas, de Copenhagen au Danemark, The Setting Sun, ils vont être en spectacle un petit peu partout dans ce coin-là. Il y a pas des tonnes d'informations là-dessus. Je vais essayer de regarder rapidement comme ça. Il nous reste quelques minutes avant la fin de la deuxième heure de la chanson courante. Je vais aller voir s'il n'y aurait pas quelque chose sur Wikipédia, parce que ça me tente de me renseigner sur ce groupe-là. Pourquoi pas? Oui, Setting Suns. C'est beau. C'est fun de faire ça live, j'aime vraiment ça. Non. En tout cas. Donc, voici. Non, mais c'est, j'ai trouvé un CD de la formation de Jam qui s'appelait aussi Setting Suns. On écoute la pièce All I Want Is You. Et après ça, ben, on verra. Il reste encore un petit peu de temps avant la fin. C'est beau. Reste avec nous. Tantôt aussi, dans la troisième heure. Baby Woodrose. On rock encore. The Setting Sun avec All I Want Is You. Quelques petites secondes pour... j'ai cherché un petit peu d'infos. Balafro.dk, c'est le site de l'étiquette Balafro Records. Et ça dit que Sebastian T.W. Christensen est le jeune et comment dire, gêné homme derrière The Setting Sun. Son talent inhabituel a composé plus de 50 chansons et enregistré ses chansons sur des enregistreuses cassettes dans son appartement de Copenhagen au Danemark. Ces démos-là, en fin de compte, étaient super géniales, selon plein de gens. Et puis ensuite, ils ont enregistré ça avec un band complet. Et ça a fini en premier album, qui est The Setting Sun, qui est sorti le 3 septembre dernier. C'est toutes les infos que j'ai là-dessus. Voilà. Et il nous reste du temps à peine pour entendre une autre pièce. Voici The Southern Way. Et ensuite, c'est des nouvelles de Radio-Canada pour les auditeurs du vendredi. Et les autres, ben, c'est ça. C'est d'autres choses. On va vendre des affaires. On va sûrement vous vendre deux œufs bacon. Écoutez la chance au coureur et tout de suite on continue dans la veine rock avec Baby Woodrose. Voici Someone to Love. Assez fou, 89.1. Baby, I'll be yours. Debbie Woodrose avec la pièce Twilight Princess précédée de Someone to Love de leur album Chasing Rainbows. Donc Baby Woodrose, c'est un nouvel album de leur part, comme ça qui sort ce mois-ci en octobre. Ils disent que ça retourne à leur vieille façon de faire. Ça veut dire que ces gens font maison, un peu pas de plugin, pas de niaisage dans des outils comme informatique si on veut. Donc ils disent que le son est très très frais et différent comparé à d'autres choses qu'ils ont fait. C'est pas mal pop, pas mal commercial, mais en même temps c'est aussi la chose la plus expérimentale et la plus droguée qu'on a faite depuis leur début. Donc Baby Woodrose, leur site web c'est le babywoodrose.com ou le myspace.com/babywoodrose. Vous allez entendre parler des membres Lorenzo Woodrose, Ricky Woodrose, The Moody Guru The Moody Guru, oui, et Rocco Woodrose aka Fuzz Daddy. Ça c'est le myspace.com/babywoodrose. Maintenant, Danny Janvier. Oui, Mademoiselle Giraffe. Oui, Mademoiselle Giraffe, qui nous a donné son album en main lors du lancement de la programmation de C'est Fou, le gros party qu'il y a eu la Baroque Machine, Jésus Bench 400, Vivi Van Der Glo et Cotron. Le 2 octobre. Exactement, le gros show qu'il y a eu ici, qui a été une réussite, qui a été vraiment le fun. Eh bien, le clavieriste et le guitariste de la Baroque Machine nous ont offert en main propre leur maxi d'un side project, justement, qui présente de la musique plus reggae, hip-hop, un peu autodérisoire, un peu sarcastique, un petit peu drôle. Donc, je vais vous lire un petit bout du document de presse. Depuis sa formation il y a 2 ans, le projet Mademoiselle Giraffe s'impose de plus en plus et se forge un nom en tant que groupe festif au sein de la scène reggae et hip-hop de Montréal. À la base, on retrouve un duo formé de Maestro Mez et de Funky Flip, partagent les tâches de production et d'écriture. Les deux comparses ont multiplié les apparitions, les concerts, version sound system, les collabos, tout en fignolant leur son et en élaborant des paroles bien acérées. Le tout servi avec un flow à débit parfois rapide, parfois bouncy, mais toujours bien imprégné de groove. Donc on a en main maintenant le premier maxi de MMZG, Mademoiselle Giraffe, un groupe ragamuffin bien d'ici. Donc, cette première galette a été tirée à 500 exemplaires et vise à promouvoir le groupe et à aider au booking. Tu vois, au moins, ils sont francs. Honnête. Et attirer l'attention d'un label pouvant peut-être comprendre le leitmotiv du groupe et qui aurait éventuellement envie de travailler, de s'investir dans le projet. Donc, ça raconte plein de trucs. On peut, comme je vous ai dit, on peut vous dire que le clavieriste et les guitaristes sont des membres de la Baroque Machine qui tournent à fond de train ici. On va l'écouter. On va voir si on aime ça, on va le garder dans notre discothèque. Ben, okay. Avez-vous déjà vu une girafe avec un microphone? Quel que soit votre âge, votre sexe, votre profession, votre existence, vous aussi, connaître. Mademoiselle Giraffe. Seul votre désir d'exploiter votre imagination suffit. La girafe, Giraffa camelopardalis, est un mammifère différent, déraisonnable, originaire des savanes africaines. Le mot girafe nous vient de l'arabe zarafa, qui signifie fainéant créatif. Au cours de millions d'années d'évolution, la girafe a acquis une anatomie unique, lui permettant notamment de faire le fou, de brouter la cime des arbres. Avez-vous déjà vu une girafe avec un mâle? Maintenant, oui. Le mâle parcourt les pâtures des femelles pour y débusquer un partenaire. Une fois qu'un mâle a conquis une femelle, prennent place des amours caressants et paisibles avec beaucoup de coups de langue. L'expression « peigner la girafe » signifie « ne rien faire, perdre son temps ». Depuis peu, on la retrouve en Amérique du Nord et plus précisément au Québec. Vous écoutez la son chance. Comportement à la vue d'un micro. Au coureur, à C'est Fou 89.1 FM. Mademoiselle Giraffe, chantez, chantez, Mademoiselle Giraffe.

intoxiqué. René qui fait des ravages parmi les cœurs égarés. Magic and Josh. Pièce de Mademoiselle Giraffe. À la chanson au courant, on vient d'entendre Nasha Piarda remix précédé de Sublime Tentation et de MMZG, leur pièce éponyme. Donc, aux animateurs de Sifu qui aiment ça, faites-en jouer, c'est dans la discothèque. Oui, c'est jaune, avec une girafe à l'arrière et deux gars en train de boire de la bière. La bière, fumer du bon, fumer un bon. Ben, galant ça, j'avais pas vu. Mais... Donc, groupe de Montréal, c'est le projet, tu disais, du claviériste ou de... Claviériste et guitariste de la Baroque Machine. Qui sont présentement sur nos palmarès avec la pièce « Pas de tes affaires ». Votre spectacle le 12 octobre. En fait, c'est écouté en direct ce soir. Tonight, à l'Agité, avec CHX Sound et Dreal Al Control. C'est à 21h à Québec. Le 31 octobre, il va être à 21h avec les Bobards, soirée d'Halloween, Sound System Monstre avec le Bass Maboom et Rhythm Wise Sound System à Montréal. D'accord, le 23 novembre à 21h, le Massilia de Montréal et le 29 à 22h, les Bobards, version Bend à Montréal. C'est ce que ça dit sur leur MySpace, je lis tel quel, je sais pas. Yes. Donc, plusieurs spectacles pour Mademoiselle Girard. Absolument, pour plus d'informations, allez voir le myspace.com/, et là, je vais devoir vous l'appeler rapidement, Mad, M-A-D, moi, Zell, Z-E-L, et puis Girafe, avec un F à la fin, c'est tout. C'est assez compliqué quand même. Justement, ça, c'est même écrit en haut, c'est marqué « Ça s'écrit comme ça, Mademoiselle Girard ». Ils vous le disent, ils savent que c'est compliqué. Allez voir lunechance.com pour le lien si ça vous intéresse. Sinon, allez le taper dans Google, vous allez certainement trouver quelque chose. Sûrement. On passe à un groupe qui est classé ici assez fou dans la musique actuelle. C'est bien rare qu'on a des disques dans la musique actuelle. Sur leur MySpace, ça dit « Power Pop Expérimental Rap ». Donc, on s'attend à quelque chose de très, très différent. D'original. Voici tout de suite la formation Cadavre à la Morgue. Et là encore un autre nom difficile à épeler. Leur album c'est Pantaré. Et voici tout de suite la pièce La Purge à la Chance. Au coureur. Le jour où tous les humains se tiendront par la main. Oh, très bon. C'est plus électro, comment tu disais, pop expérimental. Power pop expérimental rap. Ben, c'est plus ça que musique actuelle, je trouve. Ben, j'avoue que ça, c'est comme étrange un peu. Il y a des bruits, fait que ça peut être, ça aurait pu être mis dans l'électro quasiment. Ouais, ça aurait pu être dans l'électro. On écoute une deuxième pièce. Voici la septième. This song smells like weird sex. Oh. Hein, Danny? Hein, Danny? Hein? Hein? Quand t'as eu fini. Eh mon Dieu. Carnaval à mort. Mais on comprend plus le côté musique actuelle maintenant. C'est ça. On se demandait pourquoi au départ, mais plus maintenant. Mais on aime ça, par exemple. C'est moi, tout ça, j'aime ça. Moi, j'aime ça aussi. Ça s'écoute très bien. très différent. Ça s'écoute très bien, pas quand tu veux te calmer, par exemple. Non, non, t'écoutes pas ça pour te poser avant de te coucher. Mais t'écoutes ça en te levant, ça te réveille, hein? Ah oui! Ça, puis une douche, puis go pour la journée. Hein? Un coup de poing dans la face, ça réveille. Un coup de pelle. Bon, voilà. Ça n'a pas trop embarqué. Celui qui s'est mis là, du scotch tape, bon, si c'est un goaler, puis qu'il soit oublié de mettre son... C'est comment drôle, ça s'appelle ça, ce qu'il se met par-dessus le pénis? J'avais déjà entendu, ça m'avait fait rire, cette citation-là. Je sais pas dans quoi je l'ai entendu, mais c'est vraiment drôle. Tantôt, on parlait d'anneaux, de pénis, de je sais pas trop quoi, c'est vraiment drôle. Donc, la formation, c'est Cadavre à la morgue. Cadavre à la morgue, ça s'appelle comme ça se dit, ça finit par un G. Leur album, c'est Pantare. Cadavre à la morgue, et je cite, est un groupe fascinant qui offre une musique éclectique, rappelant l'audace de Mike Patton, Mr. Bungle, Fantomas. Des chansons explosives alliant l'électro, l'industriel, le hip-hop, metal, trash, pop et humour, mixées avec les moyens du bord dans un sombre sous-sol du petit village d'Upton. Hein, c'est bien? On a entendu les pièces numéro 6 et 7. Pardon, 6, 6, oui, c'est ça, 6 et 7. La Purge. Et puis This Song Smells Like Weird Sex. Ça, c'est, c'était incroyable. Ça semblait à du weird sex. Voilà. J'ai bien aimé, ça sentait très bon. Cadavre à la morgue, Pantare. Si vous voulez plus d'informations, allez voir le myspace.com/cadavre à la morgue ou passez par le site de l'émission au unechance.com. Oh, en passant, ils vont être en spectacle à Saint-Hyacinthe le 27 octobre au bar Le Trash avec Crystal Grunt. Voilà pour ça. Il nous reste à peine 10 minutes, donc allons-y avec le seul et unique album de Canadien qu'on va avoir le temps de passer aujourd'hui. Malheureusement, que voulez-vous, c'est comme ça. C'est la formation Shotgun Jimmy. Leur album, c'est The Onlys. Et voici Onomatopoeia à la chance. Au coureur. Attends, faut faire des onomatopées. Badaboum, badabing, badaboum, badabing. Ronfler, c'est ron, ron, ron, ron, ron. Foutomagie, ça ressemble à un onomatopée aussi. Splash. Splash. Bang. We'll be right back. Hey everybody, I'm Shotgun Jimmy and you're listening to CFOU 89.1. Merci beaucoup. Shotgun Jimmy avec la pièce Bedhead précédée de Onomatopoeia, c'est deux pièces de l'album The Only. C'est un groupe de Sackville au Nouveau-Brunswick, ici au Canada. ShotgunJimmy.com, c'est leur site web, ils vont être en spectacle un petit peu partout. On pense entre autres à Québec, au Tam Tam Café. Ça, ça se trouve à être le 19 octobre à 20h. Ça, c'est à Québec. Ensuite, ils vont être à Montréal au Tricycle Media avec Baby Eagle et Construction and Destruction le 20 octobre. Et ensuite, des dates partout en Ontario. Et ils reviennent à Montréal au KJV avec Baby Eagle et Construction and Destruction le 28 octobre à 20h. Donc, faites le tour, c'est Shotgun Jimmy. Si vous voulez plus d'informations, Shotgun Jimmy avec IE à la fin.com ou myspace.com/JimJimmers. Les liens sont sur lunechance.com parce que c'est difficile à appeler. Donc, je fais le tour de l'émission d'aujourd'hui. Notre coureur de la semaine, cette semaine, eh ben, c'est la formation téléphérique avec le fil conducteur. C'est très, très bon. C'est francophone. Vous allez avoir la chance de l'entendre sûrement à nouveau sur les ondes de C'est Fou. Moi, ouais, ben, je vous retrouve la semaine prochaine à la chanson coureur. C'est les vendredis matins en direct à 10h. On est aussi en rediffusion. Allez voir le cifou.ca pour les heures. J'anime aussi la collection et les palmarès. C'est fou. Ce qui nous suit le vendredi après-midi, c'est Rock Classique avec Alain Lefebvre. Restez là pour ça. Si vous écoutez le samedi, okay, pourquoi pas rester là pour le voyage insolite. Et si vous écoutez le mardi, c'est l'émission Jeanne reçoit avec Jeanne Guévremont. C'est bien. De la part de Danny Janvier, bonne semaine. Et de ma part, ben, je m'appelle Mathieu Plante, puis je suis en train de vous dire au revoir. Alors, au revoir.